Ici Radio Bocmatan, la vraie radio dortoir. Je suis votre animateur, Saül l'Important, et mon co-animateur avec moi, Jacques Duseuil. Bonjour! Comme je disais à notre émission Les Has-Been d'aujourd'hui, un spécial de Noël. Et oui, nous vous avons déniché quelques bons Has-Been de Noël. Et pour nous aider, tout au long de l'émission, nous avons en studio avec nous un médecin, un psychologue, un thanatologue, un tireur d'élite et un digne représentant de la protection de la jeunesse, la DPJ. Le tout au cas où... Notre première Has-Been de Noël s'appelle justement Noëlla Futon. Et elle a fait fureur dans les années 20 avec son grand succès, La Grande Révélation des Fêtes. Alors, on lui donne la note et on l'écoute avec délectation. Oups. Un médecin, s'il vous plaît? Non, trop tard. Monsieur le thanatologue, alors? Il a l'air bien tranquille pour un thanatologue. Voyons, mon coco, un thanatologue, c'est un embaumeur. Ah, chantez ça aussi. Et sans plus tarder, on enchaîne avec notre second has-been de Noël, un humoriste qui, malgré ses 98 ans et 13 mois, nous compte encore avec pleine vigueur la petite histoire du petit reine au nez brun. J'ai nommé le trémendieux Godendard Lachaise. Ah, alors on vous écoute, mon ami. Une fois, c'était l'histoire du petit reine au nez brun qui suivait le petit reine au nez rouge de trop proche. Une fois, c'était l'histoire du petit reine au nez brun qui suivait le petit reine au nez rouge de trop proche. Bon, une fois, monsieur c'était le l'histoire psychologue, du s'il vous reine plaît. Au nez brun, tu oh, je vois, on est un adepte des méthodes choc, quoi. Notre prochain has-been de Noël fut connu dans les années 50 pour sa magistrale interprétation du petit Chris au tambour. Alors écoutons avec hommage l'incongru Monsieur Moustu. Oh, s'il vous plaît, le tireur d'élite. Un véritable enfant de la balle. Et notre dernier, et non le moindre, has-been de Noël, le jeune Jaspon, âgé de 8 ans seulement. Quoi? Déjà has-been à 8 ans? Eh oui, écoutez un extrait de son hit « Dada Gougou, Dada Gougou » qu'il a fait, qu'il a endisqué alors qu'il n'avait que 11 mois. Dada Gougou, Dada Gougou, Dada Gougou. Excellent, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il se lance dans la composition et justement, il va nous interpréter une de ses compositions, Hommage à l'âge d'or. Oh, comme c'est touchant! Les vieux, ça chauffe mal, faut placer papyre, faut placer papyre, les vieux, ça sent pas bon, et puis ça pue en assis. Ok, ok, ok, s'il vous plaît, représentant de la DPJ, sortez-moi ça immédiatement. Toutes nos excuses à notre créneau de 78% d'auditeurs, on n'avait pas vu venir le coup. La magie du direct, quoi! Et disons que ce sera tout pour aujourd'hui. Revenez-nous la semaine prochaine avec un spécial has-been du Boxing Day. Et vous écoutiez Radio Mokmatande, la seule, la vraie, l'unique, l'authentique Radio Dortoir.